Livre sixième, l'absolution. Première forme de l'absolution, les 7 500 000 voix. 1. On nous dit, vous n'y songez pas, tous ces faits que vous appelez crimes sont désormais des faits accomplis, et par conséquent respectables. Tout cela est accepté, tout cela est adopté, tout cela est légitimé, tout cela est couvert, tout cela est absous. Accepté, adopté, légitimé, couvert, absous, par quoi? Par un vote. Quel vote? Les 7 500 000 voix. En effet, il y a eu plébiscite et vote et 7 500 000. Oui. Parlons-en. 2. Un brigand arrête une diligence au coin d'un bois. Il est à la tête d'une bande déterminée. Les voyageurs sont plus nombreux, mais ils sont séparés, désunis, parqués dans des compartiments, à moitié endormis, surpris au milieu de la nuit, saisis à l'improviste et sans armes. Le brigand leur ordonne de descendre, de ne pas jeter un cri, de ne pas souffler mot et de se coucher la face contre terre. Quelques-uns résistent, il leur brûle la cervelle. Les autres obéissent et se couchent sur le pavé, muets, immobiles, terrifiés, pêle-mêle avec les morts et pareils aux morts. Le brigand, pendant que ses complices leur tiennent le pied sur les reins et le pistolet sur la tempe, fouille leurs poches, force leurs malles et leur prend tout ce qu'ils ont de précieux. Les poches vidées, les malles pillées, le coup d'état fini, il leur dit « Maintenant, afin de me mettre en règle avec la justice, j'ai écrit sur un papier que vous reconnaissez que tout ce que je vous ai pris m'appartenait et que vous me le concédez de votre plein gré. J'entends que ceci soit votre avis. On va vous mettre à chacun une plume dans la main, et sans dire un mot, sans faire un geste, sans quitter l'attitude où vous êtes, le ventre contre terre, la face dans la boue, vous étendrez le bras droit et vous signerez tous ce papier. Si quelqu'un bouge ou parle, voici la gueule de mon pistolet, du reste, vous êtes libre. » Les voyageurs étendent le bras et signent. Cela fait, le brigand relève la tête et dit « J'ai 7 500 000 voix. » 3. Monsieur Louis Bonaparte est président de cette diligence. Rappelons quelques principes. Pour qu'un scrutin politique soit valable, il faut 3 conditions absolues. Premièrement, que le vote soit libre. Deuxièmement, que le vote soit éclairé. Troisièmement, que le chiffre soit sincère. Si l'une de ces 3 conditions manque, le scrutin est nul. Qu'est-il si les 3 à la fois font défaut? Appliquons ces règles. Premièrement, que le vote soit libre. Quelle a été la liberté du vote du 20 décembre? Nous venons de le dire. Nous avons exprimé cette liberté par une image frappante d'évidence. Nous pourrions nous dispenser d'y rien ajouter. Que chacun de ceux qui ont voté se recueille et se demande sous quelle violence morale et matérielle il a déposé son bulletin dans la boîte. Nous pourrions citer telle commune de Lyon où sur 500 chefs de famille, 430 ont été arrêtés. Le reste a voté oui. Telle commune du Loiret où, sur 639 chefs de famille, 497 ont été arrêtés ou expulsés, les 142 échappés ont voté oui. Et ce que nous disons du Loiret et de Lyon, il faudrait le dire de tous les départements. Depuis le 2 décembre, chaque ville a sa nuée d'espions, chaque bourg, chaque village, chaque hameau a son dénonciateur. Voter non, c'était la prison. C'était l'exil, c'était l'ambessa. Dans les villages de tel département, on apportait à la porte des mairies, nous disait un témoin oculaire, des charges d'ânes de bulletins oui. Les maires, flanqués des gardes champêtres, les remettaient aux paysans. Il fallait voter. À Savigny, près Saint-Maur, le matin du vote, des gendarmes enthousiastes déclaraient que celui qui voterait non ne coucherait pas dans son lit. La gendarmerie a écroué à la maison d'arrêt de Valenciennes M. Parent, fils, suppléant du juge de paix du canton de Bouchain, pour avoir engagé des habitants d'Avesnes-le-Sec à voter non. Le neveu du représentant Aubry, du Nord, ayant vu distribuer par les agents du préfet des bulletins « oui » dans la grande place de Lille, descendit sur cette place le lendemain et y distribua des bulletins « non ». Il fut arrêté et mis à la citadelle. Pour ce qui est du vote de l'armée, une partie a voté dans sa propre cause. Le reste a suivi. Quant à la liberté même de ce vote des soldats, écoutons l'armée parler elle-même. Voici ce qu'écrit un soldat du 6e de ligne, commandé par le colonel Garde-Reims de Boisse. Pour la troupe, le vote fut un appel. Les sous-officiers, les caporaux, les tambours et les soldats, placés par rang de contrôle, étaient appelés par le fourrier en présence du colonel, du lieutenant-colonel, du chef de bataillon et des officiers de la compagnie, et au fur et à mesure que chaque homme appelé répondait « présent », son nom était inscrit par le sergent-major. Le colonel disait en se frottant les mains « Ma foi, messieurs, cela va comme sur des roulettes ». Quand un caporal de la compagnie à laquelle j'appartiens s'approche de la table où était le sergent-major et le prie de lui céder la plume afin qu'il puisse inscrire lui-même son nom sur le registre « non » qui devait rester en blanc. « Comment ? » s'écrie le colonel. « Vous qui êtes porté pour fourrier et qui allez être nommé à la première vacance, vous désobéissez formellement à votre colonel et cela en présence de votre compagnie ? Encore si ce refus que vous faites en ce moment n'était qu'un acte d'insubordination. Mais vous ne savez donc pas, malheureux, que par votre vote, vous réclamez la destruction de l'armée, l'incendie de la maison de votre père, l'anéantissement de la société tout entière, vous tendez la main à la crapule ? Comment ? X, vous que je voulais pousser, vous venez aujourd'hui m'avouer tout cela ? Le pauvre diable, on le pense bien, se laissa inscrire comme tous les autres. Multipliez ce colonel par 600 000, vous avez la pression des fonctionnaires de tout ordre, militaire, politique, civil, administratif, ecclésiastique, judiciaire, douaniers, municipaux, scolaires, commerciaux, consulaires, par toute la France, sur le soldat, le bourgeois et le paysan. Ajoutez, comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, la fausse jacquerie communiste et le réel terrorisme bonapartiste, le gouvernement pesant par la fantasmagorie sur les faibles et par la dictature sur les récalcitrants, et agitant deux épouvantes à la fois. Il faudrait un volume spécial pour raconter, exposer et approfondir les innombrables détails de cette immense extorsion de signatures qu'on appelle le vote du 20 décembre. Le vote du 20 décembre a terrassé l'honneur, l'initiative, l'intelligence et la vie morale de la nation. La France a été à ce vote comme le troupeau va à l'abattoir. Passons. Deuxièmement, que le vote soit éclairé. Voici qui est élémentaire. Là où il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de vote. La liberté de la presse est la condition sine qua non du suffrage universel, nullité radicale de tout scrutin fait en l'absence de la liberté de la presse. La liberté de la presse entraîne comme corollaire nécessaire la liberté de réunion, la liberté d'affichage, la liberté de colportage, toutes les libertés qu'engendre le droit préexistant à tout, de s'éclairer avant de voter. Voter, c'est gouverner. Voter, c'est juger. Se figure-t-on un pilote aveugle au gouvernail ? Se figure-t-on le juge, les oreilles bouchées et les yeux crevés ? Liberté donc, liberté de s'éclairer par tous les moyens, par l'enquête, par la presse, par la parole, par la discussion. Ceci est la garantie expresse et la condition d'être du suffrage universel. Pour qu'une chose soit faite valablement, il faut qu'elle soit faite sciemment. Où il n'y a pas de flambeau, il n'y a pas d'acte. Ce sont là des axiomes. Hors de ces axiomes, tout est nul de soi. Maintenant voyons. M. Bonaparte, dans son scrutin du 20 décembre, a-t-il obéi à ces axiomes ? A-t-il rempli ses conditions de presse libre, de réunion libre, de tribune libre, d'affichage libre, de colportage libre, d'enquête libre ? Un immense éclat de rire répond « Même à l'Élysée !» Ainsi, vous êtes forcé vous-même d'en convenir. C'est comme cela qu'on a usé du suffrage universel. Quoi ? Je ne sais rien de ce qui s'est passé. On a tué, égorgé, mitraillé, assassiné, et je l'ignore. On a séquestré, torturé, expulsé, exilé, déporté, et je l'entrevois à peine. Mon maire et mon curé me disent « Ces gens-là qu'on emmène liés de cordes, ce sont des repris de justice. » Je suis un paysan, je cultive un coin de terre au fond d'une province, vous supprimez le journal, vous étouffez les révélations, vous empêchez la vérité de m'arriver, et vous me faites voter ? Quoi ? Dans la nuit la plus profonde ? Quoi ? À tâtons ? Quoi ? Vous sortez brusquement de l'ombre un sabre à la main et vous me dites « Vote !» Et vous appelez cela un scrutin ? Certes, un scrutin libre et spontané, disent les feuilles du coup d'État. Toutes les roueries ont travaillé à ce vote. Un maire de village, espèce d'escobard sauvageon poussé en plein champ, disait à ses paysans « Si vous votez oui, c'est pour la République. Si vous votez non, c'est contre la République. » Les paysans ont voté oui. Et puis, éclairons une autre face de cette turpitude qu'on nomme le plébiscite du 20 décembre. Comment la question a-t-elle été posée ? Y a-t-il eu choix possible ? A-t-on, et c'était bien le moins que dut faire un homme de coup d'État dans un si étrange scrutin que celui où il remettait tout en question, a-t-on ouvert à chaque parti la porte par où son principe pouvait entrer ? A-t-il été permis aux légitimistes de se tourner vers leur prince exilé et vers l'antique honneur des fleurs de lys ? A-t-il été permis aux orléanistes de se tourner vers cette famille proscrite qu'honore les vaillants services de deux soldats, messieurs de Joinville et d'Aumale, et qu'illustre cette grande âme, madame la duchesse d'Orléans ? A-t-on offert au peuple, qui n'est pas un parti, lui, qui est le peuple, c'est-à-dire le souverain, lui a-t-on offert cette république vraie devant laquelle s'évanouit toute monarchie comme la nuit devant le jour, cette république qui est l'avenir évident et irrésistible du monde civilisé, la république sans dictature, la république de concorde, de science et de liberté, la république du suffrage universel, de la paix universelle et du bien-être universel, la république initiatrice des peuples et libératrice des nationalités, cette république qui, après tout et quoi qu'on fasse, aura, comme l'a dit ailleurs l'auteur de ce livre, note de bas de page, Littérature et philosophie mêlées, 1830. Fin de la note de bas de page. La France, demain et après-demain l'Europe ? A-t-on offert cela ? Non. Voici comment M. Bonaparte a présenté la chose. Il y a eu à ce scrutin deux candidats. Premier candidat, M. Bonaparte. Deuxième candidat, l'abîme. La France a eu le choix. Admirez l'adresse de l'homme et un peu son humilité. M. Bonaparte s'est donné pour vis-à-vis dans cette affaire. Qui ? M. de Chambord ? Non. M. de Joinville ? Non. La République ? Encore moins. M. Bonaparte, comme ces jolis créoles qui font ressortir leur beauté au moyen de quelque effroyable hottentote, s'est donné pour concurrent dans cette élection un fantôme. Une vision, un socialisme de Nuremberg avec des dents et des griffes et une braise dans les yeux, l'ogre du Petit Pousset, le vampire de la Porte Saint-Martin, l'hydre de Théramène, le grand serpent de mer du Constitutionnel que les actionnaires ont eu la bonne grâce de lui prêter, le dragon de l'Apocalypse, la Tarasque, la Drée, le Gras Houli, un épouvantail. Aidé d'un Ruggieri quelconque, M. Bonaparte a fait sur ce monstre en carton un effet de feu de Bengale rouge et a dit aux votants effarés « Il n'y a de possible que ceci ou moi. Choisis. » Il a dit « Choisis entre la belle et la bête. La bête, c'est le communisme. La belle, c'est ma dictature. Choisis. Pas de milieu. La société par terre, ta maison brûlée, ta grange pillée, ta vache volée, ton champ confisqué, ta femme violée, tes enfants massacrés, ton vin bu par autrui, toi-même manger tout vif par cette grande gueule béante que tu vois là, ou moi, empereur. Choisis, moi ou croque-mitaine. » Le bourgeois, effrayé et par conséquent enfant, le paysan, ignorant et par conséquent enfant, ont préféré Monsieur Bonaparte à croque-mitaine. C'est là son triomphe. Disons pourtant que sur 10 millions de votants, il paraît que 500 000 auraient encore mieux aimé croque-mitaine. Après tout, Monsieur Bonaparte n'a eu que 7 500 000 voix. Donc, et de cette façon, librement comme on voit, sciemment comme on voit, ce que M. Bonaparte a la bonté d'appeler le suffrage universel, a voté. Voter quoi ? La dictature, l'autocratie, la servitude, la république despota, la France pachalique, les chaînes sur toutes les mains, le scellé sur toutes les bouches, le silence, l'abaissement, la peur, l'espion, âme de tout. On a donné à un homme, à vous, l'omnipotence et l'omniscience, on a fait de cet homme le constituant suprême, le législateur unique, l'alpha du droit, l'oméga du pouvoir. On a décrété qu'il est Minos, qu'il est Numa, qu'il est Solon, qu'il est Lycurgue. On a incarné en lui le peuple, la nation, l'État, la loi. Et pour 10 ans. Quoi ? Voter, moi citoyen, non seulement mon dessaisissement, ma méchéance et mon abdication, mais l'abdication pour 10 années des générations nouvelles du suffrage universel, sur lesquelles je n'ai aucun droit, sur lesquelles vous, usurpateurs, vous me forcez d'usurper, ce qui, du reste, soit dit en passant, suffirait pour frapper de nullité ce scrutin monstrueux si toutes les nullités n'y étaient pas déjà amoncelées, entassées et amalgamées. Quoi, c'est cela que vous me faites faire ? Vous me faites voter que tout est fini, qu'il n'y a plus rien, que le peuple est un nègre ? Quoi, vous me dites, attendu que tu es souverain, tu vas te donner un maître, attendu que tu es la France, tu vas devenir Haïti. Quelle abominable dérision ! Voilà le vote du 20 décembre, cette sanction, comme dit M. de Morny, cette absolution, comme dit M. Bonaparte. Vraiment, dans peu de temps d'ici, dans un an, dans un mois, dans une semaine peut-être, quand tout ce que nous voyons en ce moment se sera évanoui, on aura quelque honte d'avoir fait, ne fût-ce qu'une minute, à cet infâme semblant de vote qu'on appelle le scrutin des 7 500 000 voix, l'honneur de le discuter. C'est là pourtant la base unique, l'unique point d'appui, l'unique rempart de ce pouvoir prodigieux de M. Bonaparte. Ce vote est l'excuse des lâches, ce vote est le bouclier des consciences déshonorées. Généraux, magistrats, évêques, toutes les forfaitures, toutes les prévarications, toutes les complicités réfugient derrière ce vote leur ignominie. La France a parlé, disent-ils. Vox populi, vox dei. Le suffrage universel a voté. Tout est couvert par un scrutin. Ça, un vote, ça, un scrutin. On crache dessus et l'on passe. Troisièmement, que le chiffre soit sincère. J'admire ce chiffre. 7 500 000. Il a dû faire bon effet à travers le brouillard du 1er janvier en lettres d'or de 3 pieds de haut sur le portail de Notre-Dame. J'admire ce chiffre. Savez-vous pourquoi ? Parce que je le trouve humble. 7 500 000. Pourquoi 7 500 000 ? C'est peu. Personne ne refusait à M. Bonaparte la bonne mesure. Après ce qu'il avait fait le 2 décembre, il avait droit à mieux que cela. Vraiment, qui l'eût chicané ? Qui l'empêchait de mettre 8 millions, 10 millions ? Un chiffre rond. Quant à moi, j'ai été trompé dans mes espérances. Je comptais sur l'unanimité. Coup d'État, vous êtes modeste. Quoi ? On a fait tout ce que nous venons de rappeler ou de raconter, on a prêté un serment et l'on s'est parjuré, on était le gardien d'une constitution et on l'a détruite, on était le serviteur d'une république et on l'a trahi, on était l'agent d'une assemblée souveraine et on l'a violemment brisée, on a fait de la consigne militaire un poignard pour tuer l'honneur militaire, on s'est servi du drapeau de la France pour essuyer de la boue et de la honte, on a mis les poussettes aux généraux d'Afrique, on a fait voyager les représentants du peuple dans les voitures cellulaires, on a empli Mazas, Vincennes, le Mont-Valérien et Sainte-Pélagie d'hommes inviolables, on a arquebusé à bout portant sur la barricade du droit le législateur revêtu de cette écharpe, signe sacré et vénérable de la loi, on a donné à tel colonel que nous pourrions nommer 100 000 francs pour fouler aux pieds le devoir, et à chaque soldat 10 francs par jour, on a dépensé en 4 journées 40 000 francs d'eau de vie par brigade, on a couvert de l'or de la banque le tapis franc de l'Élysée, et on a dit aux amis « prenez ». On a tué M. Had chez lui, M. Belval chez lui, M. Debec chez lui, M. Labilte chez lui, M. de Couvercelles chez lui, M. Montpellat chez lui, M. Thirion de Montauban chez lui. On a massacré sur les boulevards et ailleurs, fusillé on ne sait où, on ne sait qui, commis force meurtre dont on a la modestie de n'avouer que 191. Quoi, on a changé les fossés des arbres du boulevard en cuvettes pleines de sang, on a répandu le sang de l'enfant avec le sang de la mère et mêlé à tout cela le vin de champagne des gendarmes. On a fait toutes ces choses, on s'est donné toutes ces peines, et quand on demande à la nation « Êtes-vous contente ?», on n'obtient que 7 500 000 « oui ». Vraiment, ce n'est pas payé. Dévouez-vous donc à sauver une société. Ô ingratitude des peuples ! En vérité, 3 millions de bouches ont répondu non. Qui est-ce qui disait donc que les sauvages de la mer du Sud appelaient les Français les « oui-oui » ? Parlons sérieusement, car l'ironie pèse dans ces matières tragiques. Gens du coup d'État, personne ne croit à vos 7 500 000 voix. Tenez, un accès de franchise. Avouez-le, vous êtes tous un peu grecs, vous trichez. Dans votre bilan du 2 décembre, vous comptez trop de votes et pas assez de cadavres. 7 500 000. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre-là ? D'où vient-il ? D'où sort-il ? Que voulez-vous que nous en fassions ? 7 millions, 8 millions, 10 millions, qu'importe. Nous vous accordons tout et nous vous contestons tout. Les 7 millions, vous les avez, plus les 500 000, la somme, plus l'appoint. Vous le dites, prince, vous l'affirmez, vous le jurez. Mais qui le prouve ? Qui a compté ? Baroche. Qui a scruté ? Rouher. Qui a contrôlé ? Pietri. Qui a additionné ? Maupas. Qui a vérifié ? Troplong. Qui a proclamé ? Vous. C'est-à-dire que la bassesse a compté, la platitude a scruté, la rouerie a contrôlé, le faux a additionné, la vénalité a vérifié, le mensonge a proclamé. Bien. Sur ce, M. Bonaparte monte au Capitole, ordonne à M. Cibourg de remercier Jupiter, fait endosser une livrée bleu et or au Sénat, bleu et argent au corps législatif, vert et or à son cocher, met la main sur son cœur, déclare qu'il est le produit du suffrage universel et que sa légitimité est sortie de l'urne du scrutin. Cette urne est un gobelet. 4. Nous le déclarons purement et simplement le 20 décembre 1851, 18 jours après le 2, M. Bonaparte a fourré la main dans la conscience de chacun et a volé à chacun son vote. D'autres font le mouchoir, lui fait l'empire. Tous les jours, pour des espiègleries de ce genre, un sergent de ville prend un homme au collet et le mène au poste. Entendons-nous, pourtant. Est-ce à dire que nous prétendions que personne n'a réellement voté pour M. Bonaparte, que personne n'a volontairement dit oui, que personne n'a librement et sciemment accepté cet homme ? Loin de là. M. Bonaparte a eu pour lui la tourbe des fonctionnaires, les 1 200 000 parasites du budget et leurs tenants et aboutissants, les corrompus, les compromis, les habiles, et à leur suite, les crétins, masse notable. Il a eu pour lui messieurs les cardinaux, messieurs les évêques, messieurs les chanoines, messieurs les curés, messieurs les vicaires, messieurs les archidiacres, diacres et sous-diacres, messieurs les prébendiers, messieurs les marguilliers, messieurs les sacristains, messieurs les bedeaux, messieurs les suisses de paroisse et les hommes religieux, comme on dit. Oui, nous ne faisons nulle difficulté d'en convenir. Monsieur Bonaparte a eu pour lui tous ces évêques qui se signent en Veuillot et en Montalembert, et tous ces hommes religieux, race précieuse, ancienne, mais fort accrue et recrutée depuis les terreurs propriétaires de 1848, lesquels prient en ces termes. Ô mon Dieu, faites hausser les actions de Lyon, doux Seigneur Jésus, faites-moi gagner 25% sur mon Naples certificat Rothschild, saints apôtres, vendez mes vins, bienheureux martyrs, doublez mes loyers, Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge Immaculée, Étoile de la Mer, Jardin fermé, Hortus conclusus. Daignez jeter un œil favorable sur mon petit commerce, situé au coin de la rue Tirechappe et de la rue Quincampoix, Tour d'Ivoire. Faites que la boutique d'en face aille mal. On votait réellement et incontestablement pour M. Bonaparte. Première catégorie, le fonctionnaire. Deuxième catégorie, le niais. Troisième catégorie, le voltairien propriétaire industriel religieux. Disons-le, l'intelligence humaine et l'intellect bourgeois en particulier ont de singulières énigmes. Nous le savons et nous n'avons nul désir de le cacher depuis le boutiquier jusqu'au banquier, depuis le petit marchand jusqu'à l'agent de change. Bon nombre d'hommes de commerce et d'industrie en France, c'est-à-dire bon nombre de ces hommes qui savent ce que c'est qu'une confiance bien placée, qu'un dépôt fidèlement gardé, qu'une clé mise en main sûre, ont voté après le 2 décembre pour M. Bonaparte. Le vote consommé, vous auriez accosté un de ces hommes de négoce, le premier venu au hasard, et voici le dialogue que vous auriez pu échanger avec lui. Vous avez nommé Louis Bonaparte président de la République ? Oui. Le prendriez-vous pour garçon de caisse ? Non, certes. 5. Et c'est là le scrutin. Répétons-le, insistons-y, ne nous lassons pas. Je crie 100 fois les mêmes choses, dit Isaïe, pour qu'on les entende une fois. C'est là le scrutin, c'est là le plébiscite, c'est là le vote, c'est là le décret souverain du suffrage universel, à l'ombre duquel s'abritent, dont se font un titre d'autorité et un diplôme de gouvernement, ces hommes qui tiennent la France aujourd'hui, qui commandent, qui dominent, qui administrent, qui jugent, qui règnent, les mains dans l'or jusqu'au coude, les pieds dans le sang jusqu'aux genoux. Maintenant, et pour en finir, faisons une concession à M. Bonaparte. Plus de chicane. Son scrutin du 20 décembre a été libre. Il a été éclairé, tous les journaux ont imprimé ce qui leur a plu. Qui a dit le contraire ? Des calomniateurs. On a ouvert les réunions électorales, les murs ont disparu sous les affiches, les passants de Paris ont balayé du pied sur les boulevards et dans les rues une neige de bulletins blanc, bleu, jaune, rouge, a parlé qui a voulu, a écrit qui a voulu, le chiffre est sincère. Ce n'est pas Baroche qui a compté, c'est Barème. Louis Blanc, Guinard, Félix Piat, Raspail, Cossidière, Toré, Ledru-Rollin, Étienne Arago, Albert, Barbès, Blanqui et Jean ont été scrutateurs. Ce sont eux-mêmes qui ont proclamé les 7 500 000 voix. Soit, nous accordons tout cela. Après, qu'est-ce que le coup d'État en conclut ? Ce qu'il en conclut, il se frotte les mains, il n'en demande pas davantage, cela lui suffit, il conclut que c'est bien, que tout est clos, que tout est fini, qu'on n'a plus rien à dire, qu'il est absous. Halte là ! Le vote libre, le chiffre sincère, ce n'est que le côté matériel de la question, il reste le côté moral. Il y a donc un côté moral ? Mais oui, prince, et c'est là précisément le vrai côté, le grand côté de cette question du 2 décembre. Examinons-le. 6. Il faut d'abord, monsieur Bonaparte, que vous sachiez un peu ce que c'est que la conscience humaine. Il y a 2 choses dans ce monde, apprenez cette nouveauté, qu'on appelle le bien et le mal. Il faut qu'on vous le révèle, mentir n'est pas bien, trahir est mal, assassiner est pire. Cela a beau être utile, cela est défendu. Par qui, me direz-vous ? Nous vous l'expliquerons plus loin, mais poursuivons. L'homme, sachez encore cette particularité, est un être pensant, libre dans ce monde, responsable dans l'autre. Chose étrange et qui vous surprendra, il n'est pas fait uniquement pour jouir, pour satisfaire toutes ses fantaisies, pour se mouvoir au hasard de ses appétits, pour écraser ce qui est là devant lui quand il marche, brin d'herbe ou parole jurée, pour dévorer ce qui se présente quand il a faim. La vie n'est pas sa proie. Par exemple, pour passer de 0 par an à 1 200 000 francs, il n'est pas permis de faire un serment qu'on n'a pas l'intention de tenir. Et pour passer de 1 200 000 francs à 12 millions, il n'est pas permis de briser la constitution et les lois de son pays, de se ruer par guet-apens sur une assemblée souveraine, de mitrailler Paris, de déporter 10 000 personnes et d'en proscrire 40 000. Je continue de vous faire pénétrer dans ce mystère singulier. Certes, il est agréable de faire mettre des bas de soie blancs à ses laquais, mais pour arriver à ce grand résultat, il n'est pas permis de supprimer la gloire et la pensée d'un peuple, de renverser la tribune centrale du monde civilisé, d'entraver le progrès du genre humain et de verser des flots de sang. Cela est défendu. Par qui ? Me répéterez-vous, vous qui ne voyez devant vous personne qui vous défende rien. Patience, vous le saurez tout à l'heure. Quoi ? Ici, vous vous révoltez, et je le comprends. Lorsqu'on a d'un côté son intérêt, son ambition, sa fortune, son plaisir, un beau palais à conserver Faubourg Saint-Honoré, et de l'autre côté les jérémiades et les criailleries des femmes auxquelles on prend leurs fils, des familles auxquelles on arrache leurs pères, des enfants auxquels on ôte leur pain, du peuple auquel on confisque sa liberté, de la société à laquelle on retire son point d'appui, les lois ? Quoi ? Lorsque ces criailleries sont d'un côté et l'intérêt de l'autre, il ne serait pas permis de dédaigner ces vacarmes, de laisser vociférer tous ces gens-là, de marcher sur l'obstacle et d'aller tout naturellement là où l'on voit sa fortune, son plaisir et le beau palais du Faubourg Saint-Honoré ? Voilà qui est fort. Quoi ? Il faudrait se préoccuper de ce que, il y a 3 ou 4 ans, on ne sait plus quand, on ne sait plus où, un jour de décembre, qu'il faisait très froid, qu'il pleuvait, qu'on avait besoin de quitter une chambre d'auberge pour se loger mieux, on a prononcé on ne sait plus à propos de quoi, dans une salle mal éclairée, devant 800 ou 900 imbéciles qui vous ont cru, ces 8 lettres, je le jure. Quoi ? Quand on médite un grand acte, il faudrait passer son temps à s'interroger sur ce qui pourra résulter du parti qu'on prend ? Se faire un souci de ce que celui-ci sera mangé de vermine dans les casemates, de ce que celui-là pourrira dans les pontons, de ce que cet autre crèvera à Cayenne, de ce que cet autre aura été tué à coups de baïonnette, de ce que cet autre aura été écrasé à coups de pavé, de ce que cet autre aura été assez bête pour se faire fusiller, de ce que ceux-ci seront ruinés, de ce que ceux-là seront exilés, et de ce que tous ces hommes qu'on ruine, qu'on exile, qu'on fusille, qu'on massacre, qui pourrissent dans les cales et qui crèvent en Afrique, seront d'honnêtes gens qui auront fait leur devoir ? C'est à ces choses-là qu'on s'arrêtera ? Comment ? On a des besoins, on n'a pas d'argent, on est prince, le hasard vous met le pouvoir dans les mains, on en use, on autorise des loteries, on fait exposer des lingots d'or dans le passage Jouffroy, la poche de tout le monde s'ouvre, on en tire ce qu'on peut, on en donne à ses amis, à des compagnons dévoués auxquels on doit de la reconnaissance. Et comme il arrive un moment où l'indiscrétion publique se mêle de la chose, où cette infâme liberté de la presse veut percer le mystère et où la justice s'imagine que cela la regarde, il faudrait quitter l'Élysée, sortir du pouvoir et aller stupidement s'asseoir entre 2 gendarmes sur le banc de la 6e chambre ? Allons donc ! Est-ce qu'il n'est pas plus simple de s'asseoir sur le trône de l'empereur ? Est-ce qu'il n'est pas plus simple de briser la liberté de la presse ? Est-ce qu'il n'est pas plus simple de briser la justice ? Est-ce qu'il n'est pas plus court de mettre les juges sous ses pieds ? Ils ne demandent pas mieux d'ailleurs. Ils sont tout prêts. Et cela ne serait pas permis ? Et cela serait défendu ? Oui, monseigneur, cela est défendu. Qui est-ce qui s'y oppose ? Qui est-ce qui ne permet pas ? Qui est-ce qui défend ? Monsieur Bonaparte, on est le maître, on a 8 millions de voix pour ses crimes et 12 millions de francs pour ses menus plaisirs. on a un Sénat et M. Cibour dedans, on a des armées, des canons, des forteresses, des troplongs à plat ventre, des baroches à quatre pattes, on est despote, on est tout puissant, quelqu'un qui est perdu dans l'obscurité, un passant, un inconnu se dresse devant vous et vous dit « Tu ne feras pas cela ». Ce quelqu'un, cette bouche qui parle dans l'ombre, qu'on ne voit pas mais qu'on entend, ce passant, cet inconnu, cet insolent, c'est la conscience humaine. Voilà ce que c'est que la conscience humaine. C'est quelqu'un, je le répète, qu'on ne voit pas et qui est plus fort qu'une armée, plus nombreux que 7 500 000 voix, plus haut qu'un sénat, plus religieux qu'un archevêque, plus savant en droit que M. Troplong, plus prompt à devancer n'importe quelle justice que M. Baroche, et qui tutoie votre majesté. 7. Approfondissons un peu toutes ces nouveautés. Apprenez donc encore ceci, monsieur Bonaparte. Ce qui distingue l'homme de la brute, c'est la notion du bien et du mal, de ce bien et de ce mal dont je vous parlais tout à l'heure. Là est l'abîme. L'animal est un être complet. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est d'être incomplet, c'est de se sentir par une foule de points hors du fini. C'est de percevoir quelque chose au-delà de soi, quelque chose en deçà. Ce quelque chose qui est au-delà et en deçà de l'homme, c'est le mystère. C'est, pour employer ces faibles expressions humaines qui sont toujours successives et qui n'expriment jamais qu'un côté des choses, le monde moral. Ce monde moral, l'homme y baigne autant, plus encore, que dans le monde matériel. Il vit dans ce qu'il sent plus que dans ce qu'il voit. La création a beau l'obséder, le besoin a beau l'assaillir, la jouissance a beau le tenter, la bête qui est en lui a beau le tourmenter, une sorte d'aspiration perpétuelle à une région autre le jette irrésistiblement hors de la création, hors du besoin, hors de la jouissance, hors de la bête. Il entrevoit toujours, partout, à chaque instant, à toute minute, le monde supérieur, et il remplit son âme de cette vision, et il en règle ses actions. Il ne se sent pas achevé dans cette vie d'en bas. Il porte en lui, pour ainsi dire, un exemplaire mystérieux du monde antérieur et ultérieur, du monde parfait auquel il compare sans cesse et comme malgré lui le monde imparfait et lui-même et ses infirmités et ses appétits et ses passions et ses actions. Quand il reconnaît qu'il s'approche de ce modèle idéal, il est joyeux. Quand il reconnaît qu'il s'en éloigne, il est triste. Il comprend profondément qu'il n'y a rien d'inutile et d'admissible dans ce monde, rien qui ne vienne de quelque chose et qui ne conduise à quelque chose. Le juste, l'injuste, le bien, le mal, les bonnes œuvres, les actions mauvaises tombent dans le gouffre mais ne se perdent pas, s'en vont dans l'infini à la charge ou au bénéfice de ceux qui les accomplissent. Après la mort, on les retrouve et le total se fait. Se perdre, s'évanouir, s'anéantir, cesser d'être n'est pas plus possible pour l'atome moral que pour l'atome matériel. De là, en l'homme, ce grand et double sentiment de sa liberté et de sa responsabilité. Il lui est donné d'être bon ou d'être méchant, ce sera un compte à régler. Il peut être coupable. Et, chose frappante et sur laquelle j'insiste, c'est là sa grandeur. Rien de pareil pour la brute, pour elle, rien que l'instinct, boire à la soif, manger à la faim, procréer à la saison, dormir quand le soleil se couche, s'éveiller quand il se lève, faire le contraire si c'est une bête de nuit. L'animal n'a qu'une espèce de moi obscur que n'éclaire aucune lueur morale. Toute sa loi, je le répète, c'est l'instinct. L'instinct, sorte de rail où la nature fatale entraîne la brute. Pas de liberté, donc pas de responsabilité. Pas d'autre vie par conséquent. La brute ne fait ni bien ni mal, elle ignore. Le tigre est innocent. Si vous étiez par hasard innocent comme le tigre. À de certains moments, on est tenté de croire que n'ayant pas plus d'avertissement intérieur que lui, vous n'avez pas plus de responsabilité. Vraiment, il y a des heures où je vous plains. Qui sait, Vous n'êtes peut-être qu'une malheureuse force aveugle. Monsieur Louis Bonaparte, la notion du bien et du mal, vous ne l'avez pas. Vous êtes le seul homme peut-être dans l'humanité tout entière qui n'ait pas cette notion. Cela vous donne barre sur le genre humain. Oui, vous êtes redoutable. C'est là ce qui fait votre génie, dit-on. Je conviens que dans tous les cas, c'est là ce qui fait en ce moment votre puissance. Mais savez-vous ce qui sort de ce genre de puissance? Le fait, oui. Le droit, non. Le crime essaie de tromper l'histoire sur son vrai nom. Il vient et dit « Je suis le succès ». Tu es le crime. Vous êtes couronné et masqué. Abat le masque, abat la couronne. Ah, vous perdez votre peine, vous perdez vos appels au peuple, vos plébiscites, vos scrutins, vos bulletins, vos additions, vos commissions exécutives proclamant le total, vos banderoles rouges ou vertes avec ce chiffre en papier doré, 7 500 000. Vous ne tirerez rien de cette mise en scène. Il y a des choses sur lesquelles on ne donne pas le change au sentiment universel. Le genre humain, pris en masse, est un honnête homme. Même autour de vous, on vous juge. Il n'est personne dans votre domesticité, dans la galonnée comme dans la brodée, valet d'écurie ou valet de sénat, qui ne dise tout bas ce que je dis tout haut. Ce que je proclame, on le chuchote. Voilà toute la différence. Vous êtes omnipotent, on s'incline, rien de plus. On vous salue, la rougeur au front. On se sent vil, mais on vous sait infâme. Tenez, puisque vous êtes en train de donner la chasse à ce que vous appelez les révoltés de décembre, puisque c'est là-dessus que vous lâchez vos meutes, puisque vous avez institué un MOPA et créé un ministère de la police spécialement pour cela, je vous dénonce cette rebelle, cette réfractaire, cet insurgé, la conscience de chacun. Vous donnez de l'argent, mais c'est la main qui le reçoit, ce n'est pas la conscience. La conscience, pendant que vous y êtes, inscrivez-la sur vos listes d'exil, c'est là une opposante obstinée, opiniâtre, tenace, inflexible et qui met le trouble partout. Chassez-moi cela de France. Vous serez tranquille après. Voulez-vous savoir comment elle vous traite, même chez vos amis? Voulez-vous savoir en quels termes un honorable chevalier de Saint-Louis de 80 ans, grand adversaire des démagogues et votre partisan, votait pour vous le 20 décembre? C'est un misérable, disait-il, mais un misérable nécessaire. Non, il n'y a pas de misérable nécessaire. Non, le crime n'est jamais utile. Non, le crime n'est jamais bon. La société sauvée par trahison, blasphème. Il faut laisser dire ces choses-là aux archevêques. Rien de bon n'a pour base le mal. Le Dieu juste n'impose pas à l'humanité la nécessité des misérables. Il n'y a de nécessaire en ce monde que la justice et la vérité. Si ce vieillard eût regardé moins la vie et plus la tombe, il eût vu cela. Cette parole est surprenante de la part d'un vieillard, car il y a une lumière de Dieu qui éclaire les âmes proches du tombeau et qui leur montre le vrai. Jamais le droit et le crime ne se rencontrent. Le jour où ils s'accoupleraient, les mots de la langue humaine changeraient de sens, toute certitude s'évanouirait, l'ombre sociale se ferait. Quand par hasard, cela s'est vu parfois dans l'histoire, il arrive que pour un moment, le crime à force de loi, quelque chose tremble dans les fondements même de l'humanité. « Jusque datum celeri », s'écrie Lucain. Et ce vers traverse l'histoire comme un cri d'horreur. Donc, et de l'aveu de vos votants, vous êtes un misérable. J'ôte nécessaire. Prenez votre parti de cette situation. « Eh bien, soit, direz-vous. Mais c'est là le cas précisément. » On se fait absoudre par le suffrage universel. Impossible. Comment impossible? Oui, impossible. Je vais vous faire toucher du doigt la chose. 8. Vous êtes capitaine d'artillerie à Berne, monsieur Louis Bonaparte. Vous avez nécessairement une teinture d'algèbre et de géométrie. Voici des axiomes dont vous avez probablement quelque idée. 2 et 2 font 4. Entre deux points donnés, la ligne droite est le chemin le plus court. La partie est moins grande que le tout. Maintenant, faites déclarer par 7 500 000 voix que 2 et 2 font 5, que la ligne droite est le chemin le plus long, que le tout est moins grand que la partie, faites-le déclarer par 8 millions, par 10 millions, par 100 millions de voix. Vous n'aurez pas avancé d'un pas. Eh bien, ceci va vous surprendre, il y a des axiomes en probité, en honnêteté, en justice, comme il y a des axiomes en géométrie, et la vérité morale n'est pas plus à la merci d'un vote que la vérité algébrique. La notion du bien et du mal est insoluble au suffrage universel. Il n'est pas donné à un scrutin de faire que le faux soit le vrai et que l'injuste soit le juste. On ne met pas la conscience humaine aux voix. Comprenez-vous maintenant ? Voyez cette lampe, cette petite lumière obscure, oubliée dans un coin, perdue dans l'ombre. Regardez-la, admirez-la, elle est à peine visible, elle brûle solitairement. Faites souffler dessus 7 500 000 bouches à la fois. Vous ne l'éteindrez pas, vous ne ferez pas même broncher la flamme. Faites souffler l'ouragan, la flamme continuera de monter droite et pure vers le ciel. Cette lampe, c'est la conscience, cette flamme, c'est elle qui éclaire dans la nuit de l'exil le papier sur lequel j'écris en ce moment. 9. Ainsi donc, quels que soient vos chiffres, controuvés ou non, extorqués ou non, vrais ou faux, peu importe. Ceux qui vivent l'œil fixé sur la justice disent et continueront de dire que le crime est le crime, que le parjure est le parjure, que la trahison est la trahison, que le meurtre est le meurtre, que le sang est le sang, que la boue est la boue, qu'un scélérat est un scélérat, et que tel qui croit copier en petit Napoléon, copie en grand Lassner. Ils disent cela, et ils le répéteront, malgré vos chiffres, attendu que 7 500 000 voix ne pèsent rien contre la conscience de l'honnête homme, attendu que 10 millions, que 100 millions de voix, que l'unanimité même du genre humain, scrutinant en masse, ne compte pas devant cet atome, devant cette parcelle de Dieu, l'âme du juste. Attendu que le suffrage universel, qui a toute souveraineté sur les questions politiques, n'a pas de juridiction sur les questions morales. J'écarte pour le moment, comme je le disais tout à l'heure, vos procédés du scrutin, les bandeaux sur les yeux, les bâillons dans les bouches, les canons sur les places publiques, les sabres tirés, les mouchards pullulants, le silence et la terreur conduisant le vote à l'urne, comme le malfaiteur au poste. J'écarte cela. Je suppose, je vous le répète, le suffrage universel vrai, libre, pur, réel, le suffrage universel souverain de lui-même comme il doit l'être, les journaux dans toutes les mains, les hommes et les faits questionnés et approfondis, les affiches couvrant les murailles, la parole partout, la lumière partout, eh bien, à ce suffrage universel-là, soumettez-lui la paix et la guerre, l'effectif de l'armée, le crédit, le budget, l'assistance publique, la peine de mort, l'inamovibilité des juges, l'indissolubilité du mariage, le divorce, l'état civil et politique de la femme, la gratuité de l'enseignement, la constitution de la commune, les droits du travail, le salaire du clergé, le libre-échange, les chemins de fer, la circulation, la colonisation, la fiscalité, tous les problèmes dont la solution n'entraîne pas son abdication, car le suffrage universel peut tout, hormis abdiquer, soumettez-les lui. Il les résoudra, sans doute avec l'erreur possible, mais avec toute la somme de certitude que contient la souveraineté humaine. Il les résoudra magistralement. Maintenant, essayez de lui faire trancher la question de savoir si Jean ou Pierre a bien ou mal fait de voler une pomme dans une métairie. Là, il s'arrête. Là, il avorte. Pourquoi ? Est-ce que cette question est plus basse ? Non, c'est qu'elle est plus haute. Tout ce qui constitue l'organisation propre des sociétés, que vous les considériez comme territoire, comme commune, comme État ou comme patrie, toute matière politique, financière, sociale, dépend du suffrage universel et lui obéit. Le plus petit atome de la moindre question morale le brave. Le navire est à la merci de l'océan, l'étoile, non. On a dit de M. Leverrier et de vous, M. Bonaparte, que vous étiez les deux seuls hommes qui crussiez à votre étoile. Vous croyez à votre étoile, en effet. Vous la cherchez au-dessus de votre tête. Eh bien, cette étoile que vous cherchez en dehors de vous, les autres hommes l'ont en eux-mêmes. Elle rayonne sous la voûte de leur crâne, elle les éclaire et les guide, elle leur fait voir les vrais contours de la vie, elle leur montre dans l'obscurité de la destinée humaine le bien et le mal, le juste et l'injuste, le réel et le faux, l'ignominie et l'honneur, la droiture et la félonie, la vertu et le crime. Cette étoile, sans laquelle l'âme humaine n'est que nuit, c'est la vérité morale. Cette lumière vous manquant, vous vous êtes trompé. Votre scrutin du 20 décembre n'est pour le penseur qu'une sorte de naïveté monstrueuse. Vous avez appliqué ce que vous appelez le suffrage universel à une question qui ne comportait pas le suffrage universel. Vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes un malfaiteur. Ce qu'il y a à faire de vous ne regarde pas le suffrage universel. Oui, naïveté, j'y insiste. Le bandit des abruzes, les mains à peine lavées et ayant encore du sang dans les ongles, va demander l'absolution au prêtre. Vous, vous avez demandé l'absolution au vote. Seulement, vous avez oublié de vous confesser et en disant au vote « Absous-moi », vous lui avez mis sur la tempe le canon de votre pistolet. Ah, malheureux désespéré, vous absoudre, comme vous dites, cela est en dehors du pouvoir populaire, cela est en dehors du pouvoir humain. Écoutez. Néron, qui avait inventé la société du 10 décembre et qui, comme vous, l'employait à applaudir ses comédies et même, comme vous encore, ses tragédies, Néron, après avoir troué à coups de couteau le ventre de sa mère, aurait pu lui aussi convoquer son suffrage universel à lui. Néron, lequel ressemblait encore au vôtre, en ce qu'il n'était pas non plus gêné par la licence de la presse, Néron, pontife et empereur, entouré des juges et des prêtres prosternés devant lui, aurait pu, posant une de ses mains sanglantes sur le cadavre chaud de l'impératrice et levant l'autre vers le ciel, prendre tout l'Olympe à témoin qu'il n'avait pas versé ce sang, et adjurer son suffrage universel de déclarer à la face des dieux et des hommes que lui, Néron, n'avait pas tué cette femme, son suffrage universel, fonctionnant à peu près comme le vôtre, dans la même lumière et dans la même liberté, aurait pu affirmer par 7 500 000 voix que le divin César Néron, pontife et empereur, n'avait fait aucun mal à cette femme qui était morte. Sachez cela, monsieur, Néron n'aurait pas été absous. Il eût suffi qu'une voix, une seule voix sur la terre, la plus humble et la plus obscure, s'élevât au milieu de cette nuit profonde de l'Empire romain et cria dans les ténèbres « Néron est un parricide !» pour que l'écho, l'éternel écho de la conscience humaine, répétât à jamais de peuple en peuple et de siècle en siècle « Néron a tué sa mère !» Eh bien, cette voix qui proteste dans l'ombre, c'est la mienne. Je crie aujourd'hui, et n'en doutez pas, la conscience universelle de l'humanité redit avec moi « Louis Bonaparte a assassiné la France, Louis Bonaparte a tué sa mère !»